Je reviens, frère Branham. L'homme qui emprunte la voie à laquelle Dieu a pourvu est toujours un homme qui est méprisé et pris pour un fanatique. Mutu oyo akozwa kanzela ozambe asilinde kubungisa azala mutu oyo tangu nyonso bachola kampe bazali kumona yelo kola maranda nkulu. C'est toujours ainsi. Nzoka ndi azala kalebele bongo. Tout au travers des sages. Kati na bile konyonso. Le monde l'a toujours pris pour un fanatique. Hapo kini bazali kumona yelo kola mutu oyo maranda nkulu. Jamais aucun moment. Mkolo mkola tamo kote. La religion et le salut de Dieu sur cette terre n'ont été populaires parmi les gens du monde. Jamais alors, jamais, la religion et le salut de Dieu n'ont été populaires parmi les gens du monde. Retenez ça comme ça. Dimanche, nous avons parlé de ça. Oh, il avait écrit autre chose ici, recevez la parole du salut. Dieu t'a envoyé la parole du salut. C'était ça la partie de méditation dimanche, et nous avons exhorté les gens à recevoir la parole du salut. Ok. Mais le dessin du chemin et de la route est encore ici au tableau. Vous voyez l'étroitesse du chemin, le chemin de la sainteté, tout petit. Mais regardez la route, tout ça. Mais à travers cela, il y a un chemin étroit sur lequel on marche en ligne, dans la discipline, dans l'ordre, dans la droiture. Entouré de risques de côté et de tous côtés, mais ayant la sécurité éternelle. Même si la mort s'emportait, tu as la vie éternelle. Quand la puissance de la mort a été anéantie sur les rachetés du Seigneur pour lesquels il est mort et que lui a délivré. Avons-nous dit amen? La voie était étroite et elle débouchait sur une porte étroite. Et vous voyez que c'est une minorité qui passe par là. Nous l'avons lu même dans Matthieu chapitre 7 le dimanche. Aujourd'hui, on doit vous rappeler cette autre partie. L'impopulaire salut de Dieu. Notre pensée de méditation ici. L'impopulaire salut de Dieu. Le salut de Dieu est toujours impopulaire. Il est mis en minorité. Il est reçu par une minorité. Ça ne sera jamais la majorité des gens. Est-ce que vous retenez? Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera pareillement encore ici. On a posé la question au Seigneur dans Luc 13 que nous avons lu ici. Pendant qu'il traversait les villes, enseignant la parole, quelqu'un a posé la question, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui sont sauvés? Il n'a pas répondu oui ou non. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça veut dire ce que ça veut dire là. C'est-à-dire l'accès au salut, c'est par la porte étroite. Ce n'est pas un grand portail spacieux, large. Vous pouvez dire qu'il y aura de la place pour tout le monde. Le fait qu'elle n'est pas, j'y arriverai quand même. Non, la porte est étroite. Et il faut entrer par là. Le salut de Dieu est impopulaire. Même maintenant impopulaire. Mais nous ouvrons toujours les bras pour permettre à tout le monde de venir. Mais sachez que le salut de Dieu et la religion de Dieu sont toujours impopulaires. Kasi boyebe te losambo ya Nzambe talo biko na Nzambe ezalaka pa ya bato mingi te. Car le monde aime ce qui est à lui, ce qui est du monde. Pete mokili alingaka wapela ezali epa na ye oyo eza ya mokili. Mais quand vous choisissez la religion de Dieu, vous choisissez le salut de Dieu, vous faites là un choix contraire aux affinités du monde. Et du coup le monde va se désolidariser d'avec vous. Ils vont vous isoler, vous mépriser et vous traiter de fanatiques. Alors, dans 1 Jean 4, la parole de Dieu verset 4, verset 4 et 5, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Les faux prophètes, les antichrists, les antiparoles. Ils parlent le langage du monde. Et le monde sont d'accord avec eux. Bino bozali bato na nzambe mpe bosili nde ekoleka bango mpo ete ye oyo azali kati na bino aleki ye oyo azali nde na mokili. Bango bazali bato na mokili, yango wana bakolobaka makambo na mokili mpe mokili ekoyokaka bango. Eux ils sont du monde. Bango azali bato ya mokili biso te. Nous ne sommes pas du monde, a dit Jésus. Il nous a choisi du milieu du monde. Et il nous a délié de l'influence du monde. Il nous a délivré de la domination du monde. Gloire et louange à son nom. Je reviens à la citation. L'homme qui emprunte la voie à laquelle Dieu a pourvu est toujours un homme qui est méprisé et pris pour un fanatique. C'est toujours ainsi. Tout au travers des âges. Le monde l'a toujours pris pour un fanatique. Jamais, jamais. À aucun moment. La religion et le salut de Dieu n'ont été populaires. Parmi les gens du monde. Il a dit, si vous aimez le monde, connaît les siens. Il a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en vous. C'est ce que je veux citer, mais il n'a pas terminé la pensée. Le monde connaît les siens. Mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Êtes-vous là? Mais ce n'est pas au monde de dire à un chrétien, à un enfant de Dieu, que tu n'es pas de Dieu. Il n'a pas ses droits. Parce qu'il n'en sait rien. Le monde connaît les siens. C'est juste. Si vous aimez le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est cela. Bongo. C'est pourquoi cela a toujours été une dure bataille que de marcher par la foi. C'est une dure bataille de réussir à marcher par la foi. Parce que l'homme aime marcher par la vue, par ce qu'il voit, par le bruit, par ce qu'il entend, par le toucher, par ce qu'il sent. Donc, il est dirigé par les cinq sens du corps charnel. Vous voyez? Et c'est pour cette raison que ça a toujours été une dure bataille que de pouvoir marcher par la foi. Si tu peux arriver à dompter, dominer tes cinq sens. En utilisant le super sens qui est la foi. Le sens qui est supérieur aux cinq sens naturels. Les cinq sens du corps de chair. C'est la foi qui est ce super sens. Et Kolo ya idia pele mitando wele pesa meli na nzoto na weza la miso matoi ukuma mabwe na boi. Oye zalini kolo na yebe liwa na yezalinde kondima. Ne yebe liwa yezalinde kondima. Ese kini duri batari pungu lwa mge mashe par la fwa. Yezalinde tumba makashi. Pana mutu pana kwa tamula na zalama. De ne kuteke le sol super sens. Ya kwa ya kamele mobele yebe liwa yezalinde kolo na yezalinde kondima. De non peyi ko super sens. Na kotasa mobele na yebe liwa yezalinde kondima. Laisse les influencer que par la foi. Même si les yeux lui montrent le contraire. Ce que lui dicte sa foi. Même si la bouche lui montre le contraire. Même si les mains lui font sentir le contraire. La terre ferait sentir le contraire. La chair est visible, les douleurs. Mais la foi dit que par ce maître Jésus, j'ai été guéri. Plus tu veux écouter ça, augmente dans le corps. Voilà la bataille. Pour l'homme de marcher par la foi. Il commence à se reprocher lui-même et dire je n'ai pas la foi. Et pendant que la foi veut hausser les tons au-dedans, il entend bien l'élan de la foi, il entend bien le penchant de la foi, mais la chair veut prendre le dessus sur la foi. Mais la foi dit que Dieu t'a déjà béni. Mais il faut marcher par la foi. Pendant que tu vis les effets du chômage, il faut fermer les yeux aux effets du chômage et écouter ce que dit la foi. Tu es déjà béni. Mais l'homme a tendance à considérer ce qu'il voit avant d'écouter sa foi. Il peut sentir d'abord que la douleur est finie dans le corps pour finalement croire que Dieu l'a guéri. Tant que la douleur est là, il considère qu'il n'est pas encore guéri. Et pourtant Dieu dit, par ce même qui a déjà été guéri. Le corps est visible, les douleurs, et réveille les douleurs. Mais la foi prend Dieu au mot, je suis déjà guéri. Ce que nous disons là n'est-il pas impopulaire? Même entre les chrétiens, même entre les membres de l'église. Ce sont des expériences rares, ça. Vous voyez? Qu'on se dise la vérité. La religion et le salut de Dieu ont toujours été impopulaires. Regardez même cette merveilleuse expérience de la foi. Regardez combien elle est rare parmi nous. Ça a toujours été une dure bataille. De marcher par la foi. Mais dans cette bataille, le croyant doit être vainqueur. Parce qu'il doit être rappelé à chacun de nous que la foi ne change jamais. Que cela soit inscrit en grand caractère dans votre cœur. Dans votre pensée, dans votre mentalité et dans votre comportement. La foi n'échoue jamais. Quel que soit ce que tu vois, écoute ce que dicte ta foi. Parce que ce que dicte ta foi dominera. Reposez-le contre les parties de ton corps. Mais nous, nous n'arrivons pas à persévérer assez, à résister longtemps. Il y a toujours une peur qui s'érigit. Et on veut changer de méthode et d'approche. Dieu n'a pas interdit les médicaments après tout. Oui, Dieu n'a pas interdit les médicaments. Mais tu rates une occasion de vaincre. Nzambe apekisite ko melekisite solo nzambe apekisite ka chozangi sinzela ya kolonga ola le medicament n'est pas contre la foi non il dit après tout et tout la peur ici et faire côté la melako ndi matin nzoka ndebo bangi ne le bisio bongo quand le seigneur dit par se mettre sur tu as déjà été guéri c'est parce que tu avais déjà pris la cure tamu kolo bete nzela na mapipi na yeshila ko biki sa mpo ozaka déjà kishikala c'est parce que tu as fini la guie la cure on finit ça qui pensa mono ba komela kayo. Que Dieu vienne au secours de notre incrédulité. Ça a toujours été une dure bataille que Dieu marchait par la foi. Écoutez, ce n'est pas dur pour l'homme en question. Mais ce n'est pas dur pour l'homme en question. C'est le monde qui le méprise. Qui dit, eh bien, ces gens doivent être fous. Il se comporte d'une manière idiote. Et cela a toujours été ainsi. Parce qu'il a accepté la voie à laquelle Dieu a pourvu pour lui afin d'échapper. Osez dire aux membres de vos familles, je vais prendre le traitement, Dieu m'a déjà guéri. Mais je ne veux pas vous taxer de fous et fanatiques et je ne sais quoi. Mais quand même, c'est idiot. Yo, Zali Penza Zoba. Si vous ne pouvez pas prendre le traitement dans le monde d'aujourd'hui, la maladie est prouvée, les résultats sont là. Et toi tu dis, tu as déjà été guéri. Guéri quand, comment? Nous ne voyons la maladie. Eux marchent par la vue. Ils marchent par ce qu'ils voient. Mais les croyants n'ont marché par sa foi. Et quand cette foi est là, exprimée là, des voix qui quoi peut l'entendre. La foi n'est pas une cachotterie. Nous ne devons jamais avoir honte de confesser notre foi. Que tu crois, exprime-le. David dans la bataille contre Goliath, il n'est pas allé parler en secret. Il a dit devant tout ce qui pouvait entendre. Levez-le. Là où tout le monde avait peur, lui dit, levez-le vaincre. Il n'a pas regardé à la taille de son corps. Il n'a pas retenu le voyer. Il se savait de mourir. Mais il n'a pas regardé ça. Il a dit ce gaillard-là, un géant, il a dit je vais me battre avec lui. Il se fait le vaincre. Voilà la foi qui est le super-essence. Qui peut affronter même les opinions contraires. Rien craindre ni les douter. Elle exprime ce qu'elle croit, c'est tout. Je veux que ce genre de foi se lève parmi nous. Nous sommes pas une assemblée de peureux, de poltrons. Nous sommes des femmes timides. Nous sommes des vrais croyants. Des guerriers de la foi. Alléluia. Amen. Qui savent que la religion et le salut de Dieu sont toujours impopulaires, adviennent que pourra, je croirai jusqu'au bout, je résisterai jusqu'au bout, je confesserai ce que je crois, j'exprimerai librement mes convictions. Amen. Voyez ce qu'on dit maintenant. Le sang vous perd le but qu'on en vende et la qui parle à bâtir sur le pont en gaï. La colombe la tangue nous sommes en demi. Tête la oie en gaï, les amis qu'on dit mais la tête au bout de la yang, moi qui me la souk. Et par la grâce de Dieu, on a un homme qui a été un croyant face à toute une génération de son peuple. Et cet homme était Noé. Pensez-y. Noé a été utilisé par Dieu. Hébreu chapitre 11 verset 7. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Pas la condamne. Noa a kebisami, pas la makambo, maman nani na noté. Mpe, a tiè motema na bozito. A tongi maso, pas la kobikisa li botanaye. Nanzena na yango. A sambisi mokili mpe, a komi mosangoli na libula, na boyenge benye. Noé a été commissionné par Dieu. Noé, Zambé a pêché Moussala. Pour prêcher la justice au monde entier. Mais il s'était dit en lui-même. Même si le monde entier ne voudra pas obéir, ils ne voudront pas m'écouter, ils vont me considérer comme un fou, un fanatique, comme ils aiment à se moquer, moi et ma maison. Je réclame ma famille à moi pour le salut de Dieu en qui je crie. Et il a affronté toute cette génération. Et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et il a été appelé dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 5 que nous avons lu ici. Il a été appelé là-bas prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice. Noé. Noah. Prédicateur de la justice. Un titre que la parole lui donne. Et Paul dit qu'il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et avec une telle foi qu'il avait, il a condamné le monde de son époque. Seul contre le monde entier. Voilà le genre de croyant que nous aimons avoir. David, seul contre toute sa nation. Voilà le genre de croyant que nous pouvons avoir. Et votre foi sera honorée par Dieu. Voulez-vous être l'un d'eux? Ne pas vous complexer de vos propres convictions. Refusez d'avoir honte de vos convictions. C'est que Dieu vous fait connaître. C'est que Dieu vous fait entendre. C'est que Dieu vous révèle par sa grâce. Exprimons-le. N'en déplaise à quiconque. David l'a exprimé. David l'a exprimé. C'est par la foi. Il a été divinement vaincu. Divinement vaincu. Son message n'était pas du tout scientifique. On ne pouvait pas l'éprouver par la science. Noé. Son message. Écoutez. Boka. Je veux lire. Encore frère Branham. Et c'est dans le sermon l'arche, un type de Christ. Prêché le 22 mai 1955. Le paragraphe 78 à 83. Et aujourd'hui les hommes sont frappés d'aveuglement parce qu'ils rejettent Dieu, la miséricorde. Cela ne laisse que le jugement. Mais Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a préparé une voie. De sorte qu'avant que le jugement divin ne frappe, il y ait une voie. Dieu fraye une voie de salut pour tous ceux qui désirent la suivre. Ce sont ses bontés qui pourvoient à un moyen d'échapper. Comme il est écrit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Demeure impopulaire en termes d'expérience et de témoignage. C'est toujours dans la minorité. Il est sur la terre aujourd'hui, le même Dieu, montrant des signes et des prodiges, ressuscitant les gens. Et de grandes choses se produisent, montrant des signes en haut dans le ciel et en bas sur la terre, des signes de soucoupes volantes dans les airs, où le Pentagone même et tous ne savent pas quoi penser, quoi en penser, des signes en haut dans les cieux et en bas sur la terre, la guérison des malades, la résurrection des morts, les yeux des aveugles qui s'ouvrent, les mauvais esprits sont chassés. Êtes-vous là? L'évangile est prêché, les signes de sa venue, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous puissent humblement avec douceur fléchir à la repentance. Mais ceux qui rejettent Christ doivent marcher aveuglément. Quand serait-il si moi aujourd'hui je ne voulais plus de mes yeux en laissant comme l'éclair? Si je refusais de garder mes yeux, je prendrais quelque chose et me les crèverais. Et dans ce cas-là, je ne veux donc pas voir. C'est ce qu'il a né spirituellement. Si un homme refuse de plonger son regard dans la parole de Dieu, pour voir le plan et de voir Dieu, il se crève automatiquement les yeux. Il ferme lui-même les yeux aux choses de Dieu. Quel jour, quel temps, quelle leçon nous devions apprendre aujourd'hui en regardant autour de nous en ce temps de la fin. Mais au temps de Noé, dans sa grâce souveraine, Dieu a dit, maintenant je veux que tu ailles faire une provision pour tous ceux qui désirent échapper à ce jugement. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse, créant une voie de salut pour tous ceux qui voulaient venir par la voie du salut de Dieu. Alors il a dit, Noé, je veux que tu construises une arche. Maintenant, le mot arche signifie un petit coffre ou un lieu de refuge, une cachette. L'Ancien Testament en mentionne trois. Et nous voulons considérer ces trois types d'arches maintenant quelques moments. Toutes les trois étaient le type d'une seule grande arche, Christ, pour l'Église aujourd'hui. Trois est une confirmation. Toutes ces anciennes choses n'étant qu'une préfiguration. Voyez l'arche que Noé est allé construire. C'est le corps de Christ pour lequel nous bâtissons maintenant. Nous invitons à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous devenons membres du corps de Christ. Mais qui veulent cette authentique expérience? Il y a une minorité. Parce que la religion et le salut de Dieu sont impopulaires. Dieu, en ce temps-là, a choisi le oui pour prêcher la justice, affronter le monde de son époque. Parce que le monde a péri, le monde est passé, il n'existe plus maintenant. Mais maintenant, nous avons un autre monde qui a entendu la parole dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Mokilo ya lelo oyo, isi limpe koyoka limobawo kolobayite, Noé a reçu l'avertissement de Dieu. Il était divinement averti. Il a été saisi d'une crainte respectueuse. Dans une génération de pervers et de méchants. Il s'est distingué par son comportement d'obéissance. Il s'est démarqué du comportement de ses contemporains. Pour obéir mot à mot à Dieu. Et nous aussi dans notre temps, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Pour démarquer des gens de notre époque. Nous saisir de la crainte respectueuse. Une crainte pieuse. Une crainte de Dieu mêlée de profond respect. Nous incitera à lui obéir, lui qui est devenu l'auteur de notre salut éternel. Choisir de lui obéir, quelle que soit la manière dont le monde va réagir et nous traiter. Voulez-vous en votre temps? C'est votre tour maintenant. Je retourne dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Et nous venons de lire ici, du 1er décembre 1953. Alors, je reprends le paragraphe 22 jusqu'au paragraphe 24. Frère Branham dit ceci. À l'époque du monde entier, il va. Pouvez-vous imaginer le père Noé, là, quand il est peut-être rentré chez lui un après-midi, et qu'il est rentré du travail. Il était un fermier. Et qu'il a dit à sa femme, l'Éternel m'a parlé aujourd'hui. Et il m'a dit d'aller construire une grande arche. Mais Noé était un fermier. Il retourne chez lui, il dit à sa femme, Dieu m'a parlé. Il est revenu de sa ferme ce jour-là. Il a été dans la nature, il a rencontré son Dieu qui lui a parlé. Et il va rencontrer sa femme, Dieu m'a parlé. Il m'a dit de pouvoir construire une grande arche. Et bien, appelle dit, Noé, comment pourras-tu construire une arche? Tu es infermier? Comment pourras-tu? Comment? Des raisonnements. On regarde les yeux, les oreilles attendent, on raisonne. Comment pourras-tu construire une arche? Eh bien, Dieu a dit qu'il va pleuvoir. Et que le monde entier sera inondé et que le monde sera noyé. Il n'y avait aucune preuve scientifique pour prouver que ça c'est vrai. Noé ne pouvait contester aucun soutien scientifique parce qu'il n'avait jamais plu jusqu'à cette époque-là. Noé a quitté Kozalana. De sorte que son message, il n'était que lui allait comprendre, lui seul allait comprendre. Quand il se met à annoncer la pluie et tout, il était le seul et lui seul allait comprendre sur la terre entière par le monde entier. Quelle popularité! Mais c'était la voix du salut de Dieu. N'ayez pas honte de la vérité. Quand Dieu vous la communique, témoignez-en. Parlez-en quiconque voudra l'entendre. Il dit, et il m'a dit que si je suis sa parole, je vais y échapper. Je vous assure, c'est de cette manière que nous échappons toujours, c'est en suivant les programmes de Dieu. C'est la seule façon dont nous pourrons le faire. Écoutez, je peux voir Noé là dehors construisant d'arrache-pied cette arche placée au milieu d'un grand terrain sec. Et Sous un soleil accablant, vous imaginez. Il n'avait jamais plu à cette époque. Il faisait excessivement chaud. Mais Noé est allé dehors sur un grand terrain sec. Il a commencé à exécuter la construction de l'arche telle que Dieu avait révélée. Sous le soleil. Transpira même. Et comme si ça ne suffisait pas, les passants venaient pour se moquer de lui et ajouter des commentaires désobligeants, déconcertants, décourageants. Considéré comme un détraqué mental, un fou. Il est en train de parler de pluie. On lui construit une histoire qui n'a pas de forme. C'est même quel art qu'il veut reproduire ici. L'art de quel peuple, de quel modèle qu'il suit. Ça venait du ciel. C'est Dieu qui a donné les indications précises. Vous savez, les choses de Dieu paraissent souvent bizarres pour le monde. C'est un truc qui n'a même pas de forme. On ne sait pas, il veut produire quoi exactement. Mais Noé savait ce que Dieu lui avait dit. Mettez-vous-en à la parole de Dieu. Il dit, je peux voir Noé là dehors, construisant d'arrache-pied cette arche placée au milieu d'un grand terrain sec, où il n'était jamais tombé du ciel une seule goutte de pluie. Il n'était jamais tombé du ciel quoi que ce soit comme la pluie. Il n'y avait jamais eu un seul nuage dans les cieux. Et pourtant Noé là dehors, construisant d'arrache-pieds. Quand Dieu a parlé, Noé s'est mis à l'œuvre rapidement, d'arrache-pied, rapidement. Il construit rapidement son finale. La manière d'obéir à la parole sans lenteur. Non pas aller de report en report, je ferai demain, ça ici demain. Non, c'est aujourd'hui que Dieu m'a donné, je dois faire pour lui plaire. Noé travaillant d'arrache-pied. À cause d'une crainte mêlée de profond respect. À cause d'une crainte pieuse qu'il avait saisie, quand Dieu l'a lui a il en soit de même pour toi aussi. Pendant que tu vis toujours ici-bas. Pouvez-vous imaginer à quel point cela paraissait idiot? Ça paraissait idiot ce qu'il faisait. Eh bien, mais pour la pensée charnelle, cet homme était fou. Et je peux entendre les gens qui rentraient chez eux en revenant du travail l'après-midi. Là dans la ville, dites, croyez-vous à cette histoire de pluie là, et on raconte encore là-bas. Croyez-vous à cette histoire de pluie, que l'on raconte là-bas. Que l'on raconte. Mais c'est nous qui prêchons la justice. Mais on le met dans les générations, dans l'indéterminé. Il faut depuis que l'on raconte la route. Qui pensez-vous de ce vieux fanatique ici? Eh bien, c'est le type le plus fou que nous ayons jamais vu, n'est-ce pas? Il fait des choses stupides, vraiment. Il y a d'autres papas qui sont dépassés par la vieillesse. Il manque à faire, il commence à parler. Il est plus sage, il est plus. Il est un idiot complet, lui. Noé a supporté sans réagir. L'esprit de Christ accepte. Il est là, construisant. S'arrache-pied, inarche. Racontant que l'eau va tomber du ciel. Eh bien, cet homme est fou. Il n'y a rien là-haut. Tu as toujours arrosé la terre par l'irrigation ici en bas. Est-ce qu'il veut nous intimider avec ça? Sans effet dit, sans effet. Il n'y aura rien. Voilà. Voilà. La Bible dit qu'ils se doutèrent de rien. Bonjour, Noé est entré dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. C'est triste. Mais Dieu lui avait révélé que c'était le moyen d'échapper. Et c'était le moyen qu'il était en train de construire. C'est comme Jésus l'a dit. Mais qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Il y aura un programme sur terre qui semblera être autant de la folie aux yeux des gens. Et juste autant ridicule. Mais il y aura un programme de Dieu sur la terre qui paraîtra aux yeux des gens ridicule, idiot, extrémiste, fanatique. Je ne sais pas quoi. Mais ce sera la répétition des événements du temps de Noé. Avant que le grand jugement de Dieu ne surprenne le monde entier. Si vous entendez bien, il y a présentement là sur la terre un programme de Dieu. Amen. Maintenant là. Amen. Que les humains, les gens charnels, les gens scientifiques et consorts taxent de fanatiques, d'idiots, stupides et folies. Exclusivement. Miséricorde. Mais, pourtant, ce sera le programme de Dieu. Parce qu'il sera question de prendre Dieu au mot. Et il construisait sans interruption une arche. Et cette arche est Jésus-Christ. Je vous ai dit que c'est celui pour qui nous construisons maintenant. Nous disons que dans le corps de Christ, il n'y a pas d'improvisation. Pour passer à la chair, il faut un appel véritable. Venant de Dieu, est-ce que cette affaire de l'appel au ministère est-elle populaire? Mais imaginez, une personne fondamentale devenir impopulaire même dans le milieu où le message de leur est prêché. Partez-y un peu, mes chers amis. Plusieurs ont falsifié même l'appel. C'est devenu un tas de prophéties qu'on a donné dans une assemblée appel Yangwana. C'est pas ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu se fait comme il l'a toujours fait dans la Bible. Il y a les appels directs. Mais cette vérité est combattue. Elle est rejetée par plusieurs hommes qui s'appellent frères du message. Appelés sœurs et assemblées du message. Tout simplement, ce sont des faussaires. Êtes-vous capable de dire amen à ça? Ce sont les faussaires qui font ces choses-là. Les sangliers qui amouillent les dans leurs manches. C'est qu'il y en a. Oh, que Dieu nous aide à pouvoir supporter ce chemin. Il y a des gens qui s'appellent frères, mais qui combattent la vérité. Les gens qui s'appellent l'assemblée du message, mais qui combattent la vérité même. Et vous devez les aimer, mais pas aimer leurs actions. Pas aimer leurs mauvaises œuvres. Aimer les personnes, mais pas aimer le mal qu'ils font. pas supporter l'infiniquité. Que Dieu nous aide à être équilibrés. C'est une bataille, hein? Une bataille. Et tumba. Soyons sages. Et il construisait sans interruption une arche. Et cette arche est Jésus-Christ. Que vous construisez soit la parole et non pas le fruit du combat de la parole. Vous combattez la vérité pour blanir vos œuvres à vous. Ça n'a pas de sens. Nous devons construire parole sur parole. C'est juste. Bongo. Essayant de le gagner, de convertir. C'est ce que nous faisons. Maintenant, Dieu avait révélé à Noé qu'il n'y aurait que cet unique moyen pour échapper. C'était l'unique moyen. Et il a prêché pendant 120 ans. Et les gens ne lui ont pas prêté l'attention. Ils ont ni de lui, ils ont ri de lui. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont tourné en ridicule. Ils l'ont méprisé. Ce qui arriva du temps de Noé. Ils ont mangé. Quel genre de monde avait-il alors? Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient à mariage. Toutes sortes de choses. Juste comme les gens le font maintenant. Ils avaient une civilisation. Ils étaient même plus avancés que celles que nous avons maintenant. Si vous ne croyez pas que c'était ainsi, essayons de reproduire la pyramide qui était là. Essayons de construire encore, ou bien le sphinx. Ou quelque chose de genre là. Essayons de faire une momie, comme les Égyptiens le faisaient. Lorsqu'ils embaumaient les gens. Oui, oui. Combien nous sommes loin derrière la civilisation de cette époque-là. Nous sommes loin, loin derrière elle. Il y a une époque où il y avait une civilisation plus avancée que celle-ci. Un homme était là dehors construisant l'arche. Pendant que c'était des gens trop scientifiques. Et il parle des messages non scientifiques. Un homme était là dehors, en train de construire une arche. Il disait qu'il allait pleuvoir. Et il n'y a jamais eu, il n'y avait jamais eu, pas même un seul nuage dans les cieux. Pendant près de 2000 ans, depuis la création du monde, il n'y avait jamais eu un seul nuage. Pas un seul coup de tonnerre. Ni d'éclair, ni rien d'autre. Et pourtant, Dieu lui avait dit que c'est ce qui allait arriver par son grand esprit. Aller faire sortir ce monde de son orbite. Et l'incliner pour former, pour déclencher la formation des nuages. Si Dieu l'avait dit, cela allait simplement se faire tel que Dieu avait dit que cela allait arriver. Et Noé s'est immédiatement mis sur la tâche. Il a enduit l'arche de poids, il a enduit de goudron, comme elle allait flotter sur l'eau. Oh, il n'allait pas simplement pleuvoir, mais il y aurait eu un déluge qui allait inonder le monde entier. Et Noé croyait en Dieu et il avait été averti par Dieu. Il était poussé par la foi. Et il a construit l'arche. Et il a travaillé dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Vous et moi travaillons dans les programmes de Dieu. Environ persécution et moquerie. Même les contradictions à nos propres saints. Mais nous devons savoir ce que nous croyons et ce que nous défendons. Et rester ferme, avançant par la foi. Tout ce qui est contraire à la parole est nul. C'est nul et nul. Seule la parole de Dieu subsistera. Tout le reste passera, mes chers. Pendant que nous en avons l'occasion, saisissons et recevons le salut de Dieu. Il est important que chacun expérimente Dieu réellement. Au temps de Noé, 8 personnes sauvées. Les habitants du monde entier. Oui. Et le Seigneur a dit la même chose se reproduirait à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui s'était passé là. Oui, si Dieu disait que concrètement, pour ce temps ici, c'est 8. Dans le monde entier, ils doivent être enlevés pour échapper au jugement qui vient. Serez-vous du nombre? Les gens tels qu'on est, ils ont de loin plus de 8. Imaginez la bousculade que cela va créer. Si on dit au tabernacle 1, ici au tabernacle 1, et ce serait tout pour Kinshasa. On doit aller prendre une autre ville. Brazzaville, 0. Yaoundé. 0. La Cameroun. Abidjan. 0. Abidjan. On va peut-être là-bas à Kigali. 1. La Kigali. Dar es Salaam. 1. Dar es Salaam. Mais c'est déjà 3, il reste que 5. Bah, il y a une bonne habitable. Mes chers amis. Imaginez un peu ça. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Oui, Salamay n'a pas de Noé. Si ça doit se reproduire littéralement, ce qui n'a pas en termes du nombre des sauvés, notre Branham nous dit il sera surpris s'il y aurait une douzaine qui sortirait de cette génération pour aller dans l'enlèvement. Il sera surpris. Et c'est le prophète messager de l'âge hein? Que plusieurs ont transformé en leur Dieu. Elohim est Dieu dans la chair. Tous les gens comme je ne sais quoi. C'est comme si le ciel s'était derrière leur maison. Ils ont oublié qu'il faut combattre pour vaincre. Mais maintenant ils se battent pour faire croire aux gens que Branham est Dieu. Ce n'est même pas pour entrer dans le corps de Christ. Là, ce n'est même pas le problème, le souci. Contrer le corps de Jésus-Christ, ce n'est même pas la préoccupation. Pour eux, c'est Branham Dieu qu'on doit croire. Des pervers. Des gens perdus et démoniaques. Qui ne connaissent ni Dieu ni sa parole. Mais, infiltré dans le milieu du message, pour mettre des confusions. Mais le message n'a aucune confusion. Les pains sont clairs, une trompette claire pour les élus. Entrer en Jésus-Christ. C'est l'unique corps du salut maintenant. Oh, même si on dit qu'au tabernacle, il n'y aurait qu'un. Personne de nous ne doit être complexé. Tu dois dire c'est moi. Et je veux me battre pour être possible. C'est comme ça. On n'a pas besoin de lâches et de mou. Les gens timides et complexés. Donc, nous, il y a un homme qui a commandé ma frère. Quand nous avons besoin de l'église, il y a un homme qui a accompagné Kingani. Les yeux, marchant par les yeux, par la vue. Arrêtez. Dieu t'a appelé pour le salut de ton âme. Pour combattre et vaincre. Pour être de ce nombre-là, le nombre ne m'importe pas, moi je veux être dedans. Le premier c'est moi, l'autre là je ne sais pas, Dieu seul sait. Paul a dit, moi je ne me bats pas comme à l'aventure, je ne marche pas comme à l'aventure. Hein? Je ne me bats pas comme quelqu'un qui bat de l'air. Paolo Roberto nasal kwa tambura lokola masano to netu mtazako beto mtu na mpepe. Na yako sekere na iglesi te. Na luki bokoze na zambe, ifo na kota bokoze na zambe. Amen. Na yeli bokoze na zambe, ifo na kota bokoze na zambe. Amen. Na yeli lobiko ya amen, na ifo na suwa lobiko ya mo. Amen. A pleine mesure. Amen. Nous voulons ça. Tolingi ba mwende. Ete pula? Dosa liwana. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Le salut de Dieu est très impopulaire. La réunion du vrai Dieu est très impopulaire. Plusieurs prétendent la définir, l'exercer. Hier, nous serons désillusionnés. Quand Dieu brisera le secret à la fin du voyage, je ne veux pas que tu sois du côté où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Que tu aies la naissance, Abraham et tous les prophètes, entrer joyeusement dans le festin. Et vous là-bas, dans les dehors, vous serez dehors, dans les pleurs et les grincements des dents. Toute la jalousie va s'épuiser sans effet. Vous allez bouder les uns qui vont aller là-bas. Est-ce que lui vraiment? Ça ne changera rien. Il est déjà entré. Mais Dieu te permettra de les voir pour te rappeler que toi tu as été négligent. Un patapouf, un bon à rien, volontairement, tout pris à la légère, et les conséquences sont lourdes maintenant. Tu dois t'y porter. Que Dieu aide chacun de nous à être le meilleur du groupe. Et Dieu aide chacun de nous à être le meilleur du groupe. Le chrétien le plus spirituel, le chrétien le plus exemplaire chacun doit travailler et vivre de cette manière-là. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Namikolo naliboso polo jibe poete poetena boye tokoyo katen Gaina loki, gaina loki, na loki, na molili, kembo nama, kembo pamba, mena zebo, bele mawa. Gaina loki, gaina loki, gaina loki na polili, kemo namba, kemo pamba, kemo zigo, bele mawa mawa, kemo zibe, zikawa. Ema, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma Let's go. Bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions pour cette soirée et surtout la méditation de ta parole sacrée qui nous a montré d'abord les triomphes du calvaire. Dieu qui est amour, descendu de sa gloire. Dieu qui est vérité, venu pour nous racheter. Il l'a rendu impuissant. Celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il nous a délivrés de toute servitude du péché, de mondanité, de convoitise, d'orgueil, de vantardise, de stupidité. Il l'a fait. Christ a décrété cela. Et nous avons le salut. Un salut éternel par l'obéissance à Jésus-Christ. Sois béni pour ceci. Cette œuvre grandiose du salut de nos âmes. Merci pour ce prix qui a été payé. Et maintenant que tu as décrit le retour des conditions et des événements du temps de Noé. Montrant que ton salut est dans une minorité. Ta religion est impopulaire. Nous l'avons entendu. Pour réveiller nos consciences. Recevoir ton avertissement. Comme Noé avait reçu l'avertissement. Il s'est mis immédiatement à la tâche. D'arrache pied à construire l'arche appliquant le programme pour mes frères et sœurs en ce temps de la fin. Je prie que tu nous fasses saisir de cette crainte pieuse, une crainte mêlée de profond respect envers Dieu, de profond respect envers le message divin, pour ne plus marcher par nos convoitises comme les mauvais, mais marcher par la foi, même si c'était une dure bataille. Mais tu nous as voulu vainqueurs. Aide chacun de nous à s'en sortir. Et surtout à échapper au jugement imminent. Jugement qui va frapper le monde entier. Nous t'appelons sur la scène au nom de Jésus-Christ. Exauce chacun de nous. Il t'a adressé ses prières et supplications. Il t'a décrit ce qu'il est. Seigneur, montre-toi sensible, réactif à chaque prière sincère venant du cœur. Et répand l'amour divin dans nos cœurs pour que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre âme. Et que l'amour du monde n'ayez plus de place. Au nom de Jésus-Christ, je te le confie et nous confions à toi. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Oh.